L'expertise INSERM, c'est une expertise qui date de 2005, qui a été faite par l'INSERM et qui est effectivement... Alors, le contexte, j'ai jamais bien su qui avait demandé cette expertise. Officiellement, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui avait demandé effectivement à l'INSERM de réaliser cette expertise pour effectivement donner quelques grandes lignes d'idées sur comment prévenir la délinquance. La plupart des experts étaient soit psychiatres, soit psychologues. Il y avait un sociologue. Il y avait 3 politiciens qui faisaient partie de l'expertise. Et l'expertise donne des conclusions qui montrent déjà que le travail de l'expertise était, je dirais, biaisé. Les psychiatres et les psychologues aussi n'étaient pas d'orientation théorique multiple. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie de la sociologie compréhensive, la psychologie compréhensive et interprétative, voilà, toutes ces personnes-là n'étaient pas conviées. Donc j'avais d'office, il y a eu comme ça un biais méthodologique et un biais qui était très très fort et qui faisait que dans la réalisation même de l'expertise, il y avait des choses très compliquées. Après, ce qui a été d'autant plus compliqué, c'est que de façon parallèle, il y avait la réalisation d'un projet de loi de prévention contre la délinquance qui était en cours de réalisation. La loi a été votée en mars 2007, donc 2 ans après la réalisation de l'expertise. Et du coup, entre 2005 et 2007, il y a eu comme ça la création d'un réseau qui s'appelle Pas de Zéro de Conduite, une association de personnes. Alors, il y avait beaucoup de psychiatres, psychologues, sociologues, mais aussi des associations, beaucoup d'associations de famille, des professeurs, qui pointaient du doigt les conclusions d'expertise d'une part, la méthodologie réalisée par l'expertise, et puis aussi la récupération des résultats de l'expertise par le politique. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, le projet de prévention de loi contre la délinquance se justifiait et prenait appui sur les données de l'expertise pour prouver que les décisions politiques étaient bonnes puisqu'elles étaient fondées et validées sur la science et sur l'expertise. Voilà. Alors, l'association Pas de Zéro de Conduite a fait beaucoup parler d'elle, et c'est là où on pouvait voir effectivement surgir les querelles d'école dans le secteur psy de façon très virulente. C'est qu'il y avait les psy qui avaient participé ou qui adhéraient à la question d'expertise, INSERM, donc avec des méthodologies catégorielles, critérisées, une certaine idée de la science fondée souvent sur l'inéisme, sur le génétique, sur l'expérimentation, sur l'éthologie, donc l'expérimentation animale, versus effectivement tous les psychologues et les psychiatres qui sont d'orientation plus traditionnellement psychanalytique, c'est-à-dire fondée sur l'approche compréhensive des situations et du cas unique. On est vraiment sur un cas qu'on analyse dans la complexité en fonction des tenants aboutissants, de comment il est depuis sa petite enfance, sa famille, son environnement social, économique, en essayant non pas de penser en termes de critères, mais en essayant de faire participer, je dirais, le psy dans sa représentation à lui, subjective, la subjectivité du psy, d'une situation particulière. Donc du coup, le jugement critique du psy intervient et on est dans un truc beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que le trouble des conduites, on voit ces 5 critères sur 7, mais après, effectivement, on peut dire qu'une opposition, c'est tout à fait structurant pour l'enfant, il en a raison. Effectivement, il faut passer par le non. À 15 mois, si l'enfant ne dit pas non, on s'inquiète, nous les psys.